je vois que je suis plus important que les autres. Parfois, moi, je pense que je suis plus important que les pauvres. Peut-être parce que j'ai une connaissance. Peut-être parce que j'ai beaucoup de bien dans ce monde. Peut-être parce que je suis l'homme. Ces jours sont comme l'herbe qui perd sa vie sous le soleil. Mais la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. L'homme, ses jours sont comme l'herbe qui perd sa vie sous le soleil. Mais la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. Qu'est-ce qui me pousse à croire que je peux résoudre toutes les choses? Comment je pense que je peux prendre toutes choses entre mes mains? Peut-être parce que j'ai une connaissance. Peut-être parce que j'ai beaucoup de bien dans ce monde. Peut-être parce que j'ai. Mais l'homme séjour, l'homme séjour sont comme l'herbe qui perd sa vie sous le soleil. La vie éternelle, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. L'homme séjour sont comme l'herbe qui perd sa vie sous le soleil. Mais la vie éternelle, c'est l'amour divin dans son cœur. Toi le grand Jésus, viens prendre place dans mon cœur pour que je sois utile pour mes frères, peu importe là où tu m'as placé, pour qu'à la fin de mes jours, une constellation d'anges viendra me prendre à la fin de mes jours. Une constellation d'anges, constellation d'anges viendra me prendre, viendra me prendre à la fin de mes jours. Une constellation d'anges, je dois marcher, viendra me prendre, c'est long la parole. Viendra me prendre. Une constellation d'anges viendra me prendre. Viendra me prendre à la fin de mes jours. Viendra me prendre. Une constellation d'anges viendra me prendre.